tombe la pluie sur ma tête. Ce n'est pas grave, je ne vais pas à la fête. De toute manière, il pleut sur mes yeux. A me sembra che l'amore debba limitare una persona. Qualcosa di sbagliato, che fa il vuoto attorno. Je suis